hope you run into them soon. Don't turn on the lights, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they sweeten your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le scandale des Magdalene Sisters. Notre invitée, l'historienne Nathalie Seban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en études irlandaises, maîtresse de conférence à l'université de la Sorbonne. On dit maîtresse de conférence ou maître? Je dis maîtresse de conférence. Ah ben, on va lire alors. Vous préparez actuellement une monographie sur les Magdalene Homes qui sera publiée chez l'éditeur Peter Lang. Alors, comme nous l'avons évoqué, il existe très peu d'archives accessibles sur cette histoire. Comment avez-vous travaillé? À quoi avez-vous eu accès? Est-ce que c'était difficile? Ça a été extrêmement difficile puisque j'avais décidé au début des années 2000, à la suite justement du documentaire diffusé sur France 3, ouais, de faire ma thèse de doctorat sur ce sujet. J'ai tenté en vain pendant 3 ans d'avoir accès à des sources primaires, puisque c'est le travail de base d'un historien-chercheur, ouais, et ça s'est avéré impossible. J'ai eu des contacts avec des religieuses d'anciennes Magdalene Laundries qui m'ont gentiment répondu que je ne trouverais pas ce que je cherchais dans leurs archives et que c'était tout à fait inutile de poursuivre dans cette voie. Donc j'ai travaillé un petit peu en contournant l'absence des sources et j'ai commencé à travailler sur les mères célibataires. Et c'est à partir de mon travail sur les mères célibataires que je suis retournée en arrière dans l'histoire et que j'ai pu revenir sur une démarche plus historique, plus 19e siècle, pour avoir accès à des sources auxquelles des historiennes avaient eu accès avant que le scandale éclate. Existait-il l'équivalent masculin des Magdalene Homes? Alors, il existait ce qu'on appelait des écoles industrielles. Ça, c'était des institutions qui étaient réservées, entre guillemets, aux enfants, dans lesquelles il y avait énormément de jeunes garçons qu'on considérait comme jeunes délinquants ou très pauvres ou dont on disait qu'ils étaient orphelins. Et c'est au sein de ces institutions qu'ont éclaté les premiers scandales sur ce qu'on a appelé « institutional abuse », donc la maltraitance institutionnelle en Irlande, auquel on rattache aujourd'hui les Magdalene Laundries et les maisons maternelles « Mother and Baby Homes ». Bien, alors je reviens sur vos recherches, je voulais cette parenthèse, elle était importante. Par exemple, est-il possible de savoir précisément quels sont les bénéfices réalisés par l'Église catholique irlandaise grâce à l'exploitation des Magdalene Sisters? J'imagine que la réponse est non. Non. Bon. Mais ça a été pour vous considérable. C'est oui, considérable, à tel point qu'aujourd'hui, l'Irlande est condamnée par le Comité des Nations Unies contre la torture pour travail forcé, donc en gros esclavagisme. Donc c'est pas quantifiable et c'est pas quantifié. Les religieuses le savent certainement. Elles tenaient des registres très précis. Mmh. Et malheureusement, ces registres que la Commission McAleese a eu entre les mains a pu consulter, elle les a rendus aux institutions, ce qui est aujourd'hui un véritable scandale pour le pays, pour les survivantes. Alors, ce qu'on ne trouve pas en Irlande, peut-être peut-on le trouver aux États-Unis. Est-ce qu'il existe des registres officiels concernant l'adoption et la vente d'enfants? Alors là, vous parlez des Mother and Baby Homes, ouais, plus oui, des Magdalene Laundries. Mmh. C'est la commission d'enquête sur les Mother and Baby Homes a commencé son travail en février 2015. On attend son rapport en 2018. On en saura un petit peu plus. Pour l'instant, elle recueille des témoignages. Je ne pense pas qu'elle ait davantage accès aux sources que les sources des Magdalene Laundries, puisque les congrégations religieuses verrouillent. Et que pour l'instant, l'État ne les force pas à rendre ses archives publiques. Alors, avez-vous rencontré des victimes de ces institutions qui sont peut-être maintenant aujourd'hui de vieilles femmes, ou pas forcément très vieilles d'ailleurs? Alors, j'ai choisi de ne pas les interroger personnellement, puisqu'il y a des associations. Vous avez très justement parlé de Justice for the Magdalens, qui s'est occupée de les prendre en charge, de recueillir leurs témoignages dans des conditions particulières. Ce sont des femmes extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables, qui souffrent de graves traumatismes. Cela dit, j'en ai rencontré indirectement lors de cérémonies de commémoration à Dublin, notamment. Ce sont des femmes qui, si vous voulez, ce qui me fait énormément de peine et ce qui m'interroge aussi énormément, ce sont des femmes dont, aujourd'hui, il me semble que la mémoire est manipulée. Par l'Église ? Par l'État aussi ? Par l'Église, par l'État, par les médias, par la société. Comment on les manipule ? Alors, qu'est-ce qu'on leur fait dire ou qu'est-ce qu'on fait en sorte qu'elles ne disent pas ? Alors, il faut que je fasse très attention à ce que je dis, parce que ça peut être une analyse qui est mal perçue. Je ne veux absolument pas remettre en cause leur souffrance, leur douleur. Mais il me semble qu'on les rend, si vous voulez, porteuses de ce discours qui va dédouaner un petit peu l'Irlande de tout ce qui s'est passé. On les laisse seules porter ce poids. Et il me semble que, à la fois de la part de l'Église et de la part de l'État et surtout des politiques irlandais, on fait davantage travail d'oubli que travail de mémoire. Et on essaie d'avoir la complicité des victimes dans l'oubli, peut-être. D'une certaine manière, on les fait répéter un discours. Alors, il est évident que ces femmes ont témoigné la première fois de manière tout à fait spontanée, ont eu besoin, c'était une parole qui se libérait, elles avaient besoin de parler. Et puis petit à petit, on a dû leur dire comment parler de ce traumatisme, comment parler de ce qu'elles ont vécu. Et c'est un discours qui me semble toujours un peu convenu. Ça fait des témoignages édulcorés, c'est ça, par rapport à ce qu'elles ont vraiment vécu ? Édulcorés. Et je pense qu'il contribue à peut-être dédouaner ou en tout cas amoindrir un petit peu la responsabilité qui, il faut impérativement le souligner, n'incombe pas exclusivement à l'Église, mais beaucoup plus à l'État irlandais. Pourquoi vous dites ça ? C'est quand même l'Église qui au départ organise ça, avec la complicité de l'État, c'est ça que vous voulez dire ? Moi je pense que c'est l'État avec la complicité de l'Église. Ah. J'irais plutôt dans ce sens-là. Tout le monde était au courant. Alors, les Magdalene Laundries étaient effectivement des institutions privées dans le sens où l'État ne les finançait pas, mais en réalité, ils subventionnaient énormément des travaux qui étaient effectués au sein des Magdalene Laundries. Ils y envoyaient des filles qui auraient dû séjourner dans des institutions psychiatriques, dans des prisons. Et au lieu de payer pour que ces filles séjournent, on les envoyait gratuitement, entre guillemets, dans les Magdalene Laundries. Alors, ce que vous dites là est grave, hein, par rapport à l'Irlande, parce que ça veut dire que l'État, le gouvernement adhère au précepte de l'Église, au précepte réactionnaire. Il s'est construit là-dessus, et c'est un État confessionnel. Alors, ça n'est pas, officiellement. Mais enfin, dans la démarche, c'est ça. C'était dans la Constitution pendant de nombreuses années. Ça l'a été, effectivement, pendant ces années-là. Et on est encore dans une Constitution où l'avortement est anticonstitutionnel. C'est vrai. Bon. Ces religieuses. On se demande, d'ailleurs, à travers le récit, mais comment ont-elles pu avoir un rôle comme ça de garde-chiourme, de capot, alors que ce sont des religieuses ? Qui sont ces femmes ? Ces femmes, pour la plupart, sont elles aussi enfermées dans les institutions contre leur gré. La proportion de ces religieuses qui sont entrées dans les ordres par vocation devait être extrêmement faible. On parle d'une Irlande où on avait des taux de natalité très importants, des familles nombreuses, des bouches à nourrir. Et dans une famille, il n'était pas rare que deux garçons soient prêtres, deux filles soient religieuses. Et donc, elles se retrouvaient, si vous voulez, dans des conditions où elles étaient enfermées avec des filles qui représentaient exactement ce qu'elles n'étaient pas, ce qu'elles ne seraient jamais, ce qu'elles ne pourraient jamais être. Donc, c'était ce que j'appelle une bombe à retardement. Alors, chacun le sait, un film très connu sur cette histoire a été réalisé par Peter Mullan. On va y revenir tout à l'heure. Deux autres films, hein. Il n'y a pas que Magdalene Sisters, il y a Philomena, c'est ça? Alors, Philomena, c'est un film qui est réalisé par Stephen Frears avec Judi Dench, qui lui parle davantage d'une mother and baby home. Donc, c'est la quête d'une mère dont l'enfant lui a été arraché pour être vendu. Mm-hmm. À l'adoption, puisque c'était bien ce qui se passait, et qu'elle met des années à retrouver grâce à un journaliste. Mais comme c'est le cas d'Angela, elle ne le retrouve pas. Quand elle retrouve sa trace, il est décédé aux États-Unis. Il y a un autre film ? Il y a un autre film très intéressant, que je recommanderais vivement, qui est sorti à peu près en même temps que le film de Peter Mullen, qui s'appelle Sinners, qui est un film irlandais avec une des actrices, justement, du film de Peter Mullen, qui est peut-être un peu moins accrocheur, si ouais. vous voulez. Il s'appelle comment celui-là ? Sinners, les pécheresses. Bien. Alors on va écouter une archive, on va écouter justement Peter Mullen à l'occasion de la sortie de son film, donc de Magdalene Sisters. Il revient sur le véritable sujet de son film. Oui, ce qui est dans son esprit le sujet de son film, c'est cela. Oui, si le film a un sujet, c'est bien celui de la théocratie et de ses effets. Peu importe la religion, catholique, protestante, musulmane, juive, si une religion domine complètement une société, sans avoir en face d'elle un pouvoir démocratique élu qui la contrôle et agit comme un contre-pouvoir, si les religions ont tout le pouvoir, eh bien oui, je crois que ce type d'institution peut exister. Alors ça ne prend pas forcément, bien sûr, la forme de laverie contrôlée par l'Église. Mais d'une manière ou d'une autre, des femmes pourront être emprisonnées en toute illégalité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, il a raison, bien entendu. Ben, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. Mais c'est aussi... Il y a des enjeux qu'il ne faut pas perdre de vue. La pauvreté en était un, bien entendu. Et ça a un peu... tendance à être occultée quand on parle des Magdalene Laundries. Les filles qui étaient enfermées dans ces institutions, c'était des filles issues de familles pauvres. Une fille qui se retrouvait enceinte dans une famille aisée, on réglait son problème discrètement sans l'envoyer, sans l'enfermer dans une institution. Donc je pense que la question des classes sociales est aussi extrêmement importante. Et Dieu sait, si j'ose dire, à quel point l'Irlande a été pauvre, victime de famine. Est-ce qu'il y a toutefois une complicité de la société irlandaise, la population ? Que dit-elle ? Que disait-elle et surtout que savait-elle ? Tout le monde savait. Tout le monde savait. Tout le monde connaissait l'existence de la Magdalene Laundry, de la Mother and Baby Home. Restaurants, hôpitaux, casernes, hôtels envoyaient leur linge dans les blanchisseries, hein, dans les laundries. Les habitants des villes, des villages savaient également que ça existait. Vous dire qu'ils savaient ce qui s'y passait, je ne le ferai pas. Pour autant, personne ne cherchait trop à savoir et tout le monde se taisait. C'était vraiment une complicité générale. C'était tellement plus commode de pas chercher à savoir. Et de toute façon, qu'aurait-on fait de ces filles ? En même temps, l'Irlande n'est pas une société d'inhumains, évidemment. Pas du tout. Il y a forcément des gens en Irlande qui ont les droits de l'homme et de la femme accrochés, hein, à leur esprit. Ils se sont peut-être battus. Il y a eu des initiatives comme ça, militantes ou pas, ou vraiment tout le monde s'est tu. Ah, les initiatives militantes, elles datent du début des années 2000, pas avant. Pas avant. Pas avant, absolument pas. Est-ce que d'autres pays ont été concernés par ce scandale ? Est-ce qu'il y avait des blanchisseries type Magdalene en France, par exemple ? Il y en a eu en France, mais vous savez que j'ai retrouvé les traces des premières Magdalene Laundries au XIIIe siècle en Italie. C'était des maisons pour les repentis, des institutions catholiques pour les repentis. Mm-hmm. On est au XIIIe siècle, hein, c'est différent. On est au XIIIe siècle. Oui, ensuite, elles ont été... Ensuite, elles ont été exportées, le modèle a été exporté en Angleterre. Et quand, en 1801, l'Irlande est devenue britannique, ce qu'on appelait à l'époque des refuges, c'était des refuges à l'époque. Hein. Et vous aviez ça un peu dans toute l'Europe catholique. À la différence que, à partir du moment où les pays ont commencé à mettre en place des services sociaux prenait en charge les groupes les plus vulnérables de la société, ces institutions ne servaient plus à rien. C'était un peu comme l'époque où les hôpitaux, les écoles étaient gérés par les congrégations religieuses. La différence, c'est qu'en Irlande, le plein régime s'est mis en route à partir de l'indépendance. À partir du moment où l'Église a verrouillé, à partir du moment où l'Église a imposé des principes qui ne toléraient pas, des principes de pureté, virginité, ne toléraient pas la moindre déviance de ces principes. Bien, et on sait que parfois l'Église catholique, c'est « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais hein ». Alors depuis le début des années 2000, l'Église irlandaise ne cesse d'être ébranlée par des scandales à répétition. On pense notamment à l'affaire dite des prêtres pédophiles. En mai 2009, après une enquête de 9 ans, le rapport Ryan, du nom du juge Sean Ryan, avait révélé que des centaines d'enfants avaient été victimes d'abus sexuels à partir des années 40 dans des institutions religieuses de tout le pays. Alors je vous propose d'écouter un reportage sur le sujet diffusé sur France Inter le 15 février 2010. Les évêques irlandais sont à Rome depuis ce matin. Ils ont été convoqués par le pape Benoît XVI au Vatican pour évoquer un des plus gros scandales ayant secoué l'Église catholique, celui des prêtres pédophiles ayant abusé de centaines d'enfants pendant plusieurs décennies. Si dans l'Église le pardon existe, il est un peu difficile à évoquer dans le cas présent à Rome, Éric Valmire. Des actes exécrables. Le cardinal secrétaire d'État Burton donne la mesure de ces 48 heures d'entrevue. Avant de rencontrer un à un Benoît XVI, les 27 évêques irlandais ont écouté l'homélie de Tarcisio Burton ce matin. Les épreuves qui viennent de l'intérieur de l'Église sont naturellement plus dures et plus humiliantes. Il faut redonner la foi, là où des prêtres couverts par leur hiérarchie se sont livrés pendant des dizaines d'années à des actes pédophiles. Une faute inqualifiable, confirme le pape Benoît XVI dans un discours prononcé ce week-end. L'Église doit porter l'amour dans les cœurs. Nathalie Seban, quand on entend ça, ça génère une question. Quels sont les rapports de la population irlandaise avec l'Église catholique aujourd'hui, après la révélation de ces scandales? Et aussi, quand on parle de Magdalene, ça fait quand même des dossiers lourds. Ça fait des dossiers très lourds. C'est la troisième grosse commission d'enquête. Donc il y a eu Brian dont vous venez de parler, il y a la McAlley sur les Magdalene Laundries, maintenant c'est les Mother and Baby Homes. Bon, il est évident que l'Irlande est un pays... peut-être pas totalement sécularisé, mais en phase extrêmement avancée de sécularisation. Il est également évident que tous ces scandales ont contribué à vider les églises. Et on observe aujourd'hui également une très forte crise des vocations au sein de l'Église catholique. Les séminaires sont quasiment vides. La croissance économique de l'Irlande, l'entrée de l'Irlande dans le capitalisme et libéralisme a également contribué à cette sécularisation. Pour autant, vous voyez que dans la campagne qui est menée aujourd'hui pour que le 8e amendement qui rend l'avortement anticonstitutionnel soit abrogé, on a encore des rémanences de ce pouvoir insidieux de l'Église catholique dans la société, et peut-être davantage dans la politique et chez les hommes politiques irlandais. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par une réticence à légiférer sur la question, quel que soit le parti. Merci infiniment, Nathalie Seban. Merci à vous. Pour ces éclairages que vous nous avez apportés sur cette sombre histoire sur laquelle vous avez beaucoup travaillé avec, j'imagine, pas mal de courage. Ça n'a pas dû être facile. Merci en tout cas. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Magdalene Sisters, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Nicolas Delmas qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'affaire Tony Muselin. Et merci à vous Fabrice Drouel. Rendez-vous dès demain 15h sur France Inter.